capitale et la folie et le mal. Novembre essayait d'être laid avec son crachin, comme le ciel qui pleure et les éthers disparaissaient sous les embruns dans le front veuf. Je fuyais l'alcool des nuits et la violence de l'ennui, emmitouflé dans la cabine, regard plongé dans un bouquin. Elle ne voyait rien, j'imagine. C'était pour elle quotidien. Plutôt mauvaise mine, la pâleur du Parisien. Avec un zeste de déprime, la tempête m'allait si bien. Et puis elle a levé les yeux, approchait et cette beauté soudain cette fille au regard si bleu qui me regardait. Arrivé dans le bout.